étonnant Monsieur X qui se promène dans l'histoire au gré de sa fantaisie. Ainsi, cette semaine, il m'a emmené très loin et il m'a raconté une affaire extraordinaire qui mêle justement l'histoire, la grande et la petite, la diplomatie et le roman d'espionnage. C'était à la fin 1943, c'est-à-dire à un moment où l'on pouvait légitimement penser que Hitler était déjà vaincu. Les trois grands alliés, URSS, États-Unis, Grande-Bretagne, conviennent d'organiser une conférence au sommet. Il s'agit pour Staline, Roosevelt et Churchill de décider de la suite de la guerre et de préciser comment on va en finir avec le Troisième Reich. Mais il s'agit aussi d'évoquer la paix future et d'organiser le monde qui surgira des décombres de la guerre. Et de ce point de vue, cette conférence est au moins aussi importante que celle qui suivra en 1945, la fameuse conférence de Yalta. Mais où les trois grands vont-ils se réunir? La question est cruciale. Joseph Staline répugne à quitter l'URSS. Cela fait déjà longtemps que le président américain, Franklin Delano Roosevelt, demande à le rencontrer. Mais à chaque fois, le dictateur soviétique a refusé. Et c'est lui, Staline, qui va proposer Téhéran. Pourquoi? Parce que l'Iran n'est pas éloigné de l'URSS et surtout parce que Russes, Américains et Anglais sont déjà présents dans ce pays qui, après être resté durablement neutre, vient de déclarer la guerre à l'Allemagne. Toutefois, Téhéran est un choix risqué. La capitale iranienne fourmille d'espions de tout poil et la sécurité des trois grands va être difficile à organiser, sans compter que la présence simultanée dans un même lieu de ces trois ennemis pourrait donner des idées à un certain Hitler. Mais je peux vous dire tout de suite, sans déflorer le récit de M. X, que le choix de Téhéran n'a pas été proposé au hasard par Joseph Staline. Bref, le maître du Kremlin avait des arrière-pensées. Bon, écoutez, je ne veux pas vous faire un cours d'histoire, mais à l'époque, la situation de l'Iran était assez compliquée. C'est au milieu des années 20 que Riza Khan s'est emparé du pouvoir et s'est fait couronner Shah sous le nom de Pahlavi. Mais c'était le père du dernier Shah. Hein? Oui, Pahlavi va gouverner avec une main de fer et avec le plus profond mépris pour les droits de l'homme. Enfin, il faut reconnaître qu'il va rapidement moderniser et transformer son pays. Il industrialise, il lutte contre le clergé, le tribalisme, il interdit le port du voile pour les femmes. Mmh. L'Iran est déjà producteur de pétrole. Hein? Oui, c'est même le principal producteur de pétrole du Moyen-Orient. Mmh. Mais cette industrie est aux mains des Britanniques et le gouvernement iranien doit se contenter des redevances qu'on veut bien lui octroyer. En fait, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni exerce un quasi-protectorat sur le pays. Et c'est justement pour contrer cette puissante tutelle que le Shah va peu à peu se rapprocher de l'Allemagne. L'Allemagne nazie, donc. Oui, oui, déjà. On exalte le caractère arien de la population perse. Iran, il faut le rappeler, veut dire pays des Ariens. Mais le pays s'appelait d'abord la Perse. C'est vrai. Oui. Et c'est Reza Pahlavi qui a rebaptisé la Perse alors que Hitler était au pouvoir en Allemagne. Ça, c'est pas innocent. Non, non, car dans le même temps, les Iraniens multiplient les relations de toutes sortes avec les Allemands qui investissent massivement dans le pays. Toutefois, quand la Seconde Guerre mondiale éclate, l'Iran choisit prudemment la neutralité, bien que le Shah demeure résolument germanophile. Mmh. Est-ce qu'il peut longtemps rester assis entre deux chaises ? Bien sûr que non, à cause de son pétrole et de sa situation géographique. L'Iran est un important objectif stratégique, à la fois pour les Alliés et pour l'Allemagne nazie. Et il est certain que les troupes du Troisième Reich, qui progressaient dans le Caucase, envisageaient tôt ou tard d'envahir l'Iran, avec ou sans le consentement du Shah. Alors ce sont les alliés qui vont passer à l'offensive. Quand et comment? En 1941, après la rupture du pacte germano-soviétique. Et l'attaque allemande en URSS, donc. Oui, anglais et russes exigent que le Shah expulse les experts nazis qui se trouvent dans le pays. Deux experts qui préparent l'arrivée de l'armée allemande. Reza Pahlavi tergiverse, le prétexte est tout trouvé. Simultanément, les soviétiques envahissent le nord du pays, tandis que les anglais s'emparent de la moitié sud. Et le Shah, là? Bon, on l'oblige à abdiquer et son fils, le jeune Mohamed Reza, monte sur le trône. Oui, mais le trône d'un pays divisé. Oui, ce sont les alliés qui font la loi, car des Américains vont rejoindre les Anglais et les Russes. C'est en effet par l'Iran que les États-Unis vont approvisionner l'URSS en armes et en matériel divers. Mmh, pour résister à l'invasion nazie. Naturellement, il s'y mêle aussi quelques visées sur le pétrole iranien, car on avait aussi découvert du pétrole dans le nord du pays. C'est donc une cohabitation à trois. C'est ça, et ça ne va donc pas sans tiraillement, car l'URSS, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont beau être alliés, ils pensent aussi à l'avenir et placent leurs pions. Les Américains en particulier s'occupent de réorganiser l'armée, la police, les finances, etc. Et Alors, ces experts nazis qui se trouvaient en Iran, J'allais y venir. Non. Beaucoup d'entre eux ont été arrêtés par les Alliés, mais il est certain que demeurent en Iran des gens qui ont de la sympathie pour l'Allemagne, ne serait-ce que parce qu'ils supportent très mal l'occupation anglo-soviétique. Une réaction nationaliste, au fond. Oui, une imprégnation germanophile favorisée par Reza Pahlavi a laissé des traces. Dans l'administration, dans l'armée, aussi dans certaines tribus nomades qui possédaient de véritables armées et qui étaient violemment hostiles aux Anglais, et donc favorables aux Allemands, auxquels d'ailleurs ils accordaient volontiers l'hospitalité. Et les Anglais, qui, il faut le rappeler, vous l'avez dit, avaient fait de l'Iran une sorte de protectorat. Et en outre, l'Iran est encore une véritable pépinière d'espions allemands. Et d'abord parce que les nazis n'ont certainement pas renoncé à s'intéresser à l'Iran. Encore une fois à cause du pétrole, mais aussi parce qu'une grande partie du matériel militaire destiné à l'URSS passe par le chemin de fer transiranien. D'accord, mais enfin, que pouvaient faire les nazis dans un pays occupé par les Alliés? Ils pouvaient par exemple saboter les puits de pétrole ou ce chemin de fer indispensable aux Alliés. Et ils ont vraiment essayé? Oui, à plusieurs reprises, Hitler a ordonné le parachutage de commandos en Iran. Mais les installations pétrolières et ferroviaires étaient bien surveillées et protégées par les forces d'occupation alliées. Et surtout, les services secrets alliés disposaient de très bonnes informations. Que voulez-vous dire là? Je vous explique. Et il faut que je vous parle aussi d'un homme assez curieux, un citoyen suisse du nom d'Ernst Mercer. Ce jeune conseiller financier polyglotte avait des relations d'affaires dans le monde financier. Et à l'occasion, il ne dédaignait pas de faire du renseignement. Pour qui? Eh bien, Mercer était, si je puis dire, un agent multicarte. Il travaillait pour plusieurs services à la fois? Oui. Mais comment est-ce possible? Mercer, au moins dans sa première période, était une sorte de dilettante du renseignement. Il espionnait pour le plaisir et pas pour l'argent. Et il ne se cachait pas à ses différents employeurs qu'il donnait aussi des informations à d'autres services. Mais lesquels alors? Mercer a d'abord enseigné le service de son pays. Oui. Mais il a ensuite eu aussi des contacts avec les Italiens et les Autrichiens. Oui. Mais attendez, si tous ces services savaient que Mercer là, fricotait avec d'autres agences, ils ne pouvaient pas véritablement lui faire confiance. C'est certain, mais enfin je vous l'ai dit, ce jeune homme était un amateur. Mais un amateur doué. Et comme il n'espionnait pas pour gagner sa vie, il se fichait pas mal d'être cru ou pas. Étrange personnage, quand même. Oui, vous avez raison. On n'a jamais vraiment élucidé le mystère de cet homme. Mais je poursuis. Après l'Anschluss, c'est-à-dire l'unification entre l'Allemagne et l'Autriche, le dossier de Mercer tombe dans les mains de l'Abwehr. C'est-à-dire le service de renseignement de l'armée dirigé par le célèbre amiral Canaris. Oui, et le service allemand comprend aussitôt que ce conseiller financier suisse qui parle plusieurs langues peut lui être très utile. Mercer fait d'abord l'objet d'une longue surveillance. Toujours parce qu'il intrigue? Mais c'est bien normal. Enfin, après des mois d'investigation, il est approché. Et accepte-t-il de travailler pour l'Abwehr? Sans hésitation. Il obtient même, d'après ce que je sais, un contrat tout à fait inédit dans les annales de renseignement. Et comme il accepte de subordonner totalement sa vie privée et sa vie professionnelle à ses activités d'espionnage pour les Allemands, s'il lui arrive de perdre de l'argent à cause de celle-ci, il exige de recevoir la différence. C'est-à-dire, il ne veut pas gagner plus d'argent, mais... Il ne veut pas en perdre. Oui. Mais comment l'Abwehr, à son tour, peut-elle faire confiance à un tel homme? C'est très simple. Si Mercer était amené à collaborer avec d'autres services, il serait immédiatement abattu. Ah oui, ça fait réfléchir. N'est-ce pas? Ça signifie également que l'Abwehr allait continuer à le surveiller étroitement. Forcément. Hein. On l'a même soumis à la tentation. Des agents appartenant prétendument à des services hostiles à l'Allemagne ont essayé de le recruter. Mais à chaque fois, Mercer a déjoué le piège. Oui, par conséquent, l'Abwehr pouvait raisonnablement penser qu'il était fiable. Oui, il a effectué à la grande satisfaction des Allemands une première mission aux États-Unis, où résidait d'ailleurs son frère, un chef d'entreprise marié à une Américaine. Puis il est revenu en Suisse, et il a obtenu ensuite la représentation pour le Moyen-Orient de plusieurs firmes américaines et européennes. Et c'est ainsi donc qu'il est arrivé à Téhéran au tout début des années 40. Téhéran où il a rapidement constitué un réseau très efficace qui a transmis à l'Abwehr des informations intéressantes. Seulement... Les dés étaient pipés. Ouais, mais qu'est-ce que ça signifie, ça? Ernst Mercer, citoyen suisse et espion de l'Abwehr, était en réalité un agent d'intelligence service. Assassinat au sommet. Tel est le titre d'un livre paru en 1968 sous la signature de Laszlo Havas. L'auteur parle des circonstances du recrutement de Ernst Mercer par l'intelligence service. Le Suisse, qui a fait ses études supérieures en Angleterre, a un premier contact avec le service de renseignement britannique par l'intermédiaire d'un camarade d'études. Mais on se méfie de lui. Toutefois, plus tard en Suisse, Mercer fait la connaissance du grand écrivain Somerset Maugham, qui, lui aussi, a des accointances avec l'intelligence service. Revenant en Grande-Bretagne, l'écrivain parle de ce brillant sujet. La suite appartient à Laszlo Havas. On se livra à une enquête qui révéla que la découverte de Maugham n'était pas un inconnu pour l'intelligence service. Thomas Kendrick, chef du Continental Secret Service, en poste à Vienne jusqu'à l'Anschluss, donna d'excellentes références. Désormais, on prenait Mercer au sérieux à Norgeby House, centre d'espionnage de Baker Street. À la différence des Allemands, les Anglais exigèrent de connaître les raisons qui incitaient le jeune homme à se consacrer à l'espionnage. La réponse fut plus ou moins convaincante. Pour un garçon à l'esprit aventureux, la vie en Suisse était vraiment monotone. Depuis son enfance, il aimait l'Angleterre et tout ce qui était anglais, ce qui n'avait rien de bien étonnant. Les Allemands, pourtant si sourcilleux sur le chapitre des origines, ne l'avaient pas découvert, mais les Anglais savaient que les deux grands-mères de Mercer étaient anglaises. Si les renseignements de Mercer étaient tellement appréciés par ses employeurs de la BER, c'était qu'ils étaient essentiellement fournis par l'intelligence service. Ah, donc c'était donc les Anglais qui informaient les Allemands. Mais naturellement, ça ressortait davantage de l'intoxication que de l'information. Toutefois, la véritable importance de Mercer pour l'intelligence service, c'est que l'agent double connaissait l'identité des espions allemands présents en Iran et qu'il était immédiatement informé de l'arrivée des nouveaux espions que l'Abwehr y renvoyait. Ouais, ça permettait de les arrêter aussitôt. Hein. Non. Les Britanniques préféraient garder tout ce beau monde sous surveillance. Pour protéger Mercer. Et pour éviter que de nouveaux agents allemands ne soient envoyés en Iran. Ouais. Donc, pour revenir à ce que vous disiez précédemment, hein, les Anglais étaient parfaitement au courant des menées allemandes en Iran. Mais pas forcément de toutes, car le service rival de l'Abwehr, le RHSA, de Kaltenbrunner et Schellenberg, qui était un organisme de la SS, pouvait aussi disposer de réseaux en Iran. Et c'était le cas. Oui, mais enfin, tous ces agents ou membres de commandos de sabotage ont fini par être démasqués et arrêtés par les Anglais, les Américains ou les Soviétiques, qui disposaient eux aussi d'une taupe à l'état-major allemand. Enfin, n'allons pas trop vite. Non. Allons-en à ce qui est le plus intéressant dans cette affaire, la fameuse conférence de Téhéran. Ouais, c'est-à-dire la conférence entre Roosevelt, Churchill et Staline. Il n'y avait encore eu aucun contact direct entre les dirigeants anglo-saxons et le maître du Kremlin. En 1943, hein. Pourquoi alors? Staline inventait sans cesse de nouveaux prétextes pour reculer ce moment. En fait, il était clair qu'il n'avait pas envie de voyager hors du RSS. Pour des raisons de sécurité, non? Vraisemblablement. Et commandant lui-même son armée, il ne désirait pas quitter Moscou trop longtemps. Toutefois, il devenait de plus en plus urgent que les trois hommes se réunissent, car ils avaient des décisions importantes à prendre pour la suite de la guerre. Roosevelt avait d'abord proposé une rencontre en Alaska, refus de Staline. Il a ensuite parlé d'Afrique du Nord, nouveau refus. Alors on a envisagé le Caire, pays neutre, et soudain Staline a indiqué son choix, Téhéran. Téhéran, capitale d'un pays voisin de l'URSS. Hein. Oui, autant vous dire que ça n'arrangeait guère Roosevelt et Churchill. Le président américain surtout, car les transports n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, ça signifiait qu'il serait absent de la Maison-Blanche une bonne vingtaine de jours. D'autre part, dans un pays où il y avait de nombreux sympathisants nazis et des agents allemands, il faudrait prendre des mesures de sécurité draconiennes. Mmh. En tout cas, ça semblerait vouloir dire que, au fond, les deux dirigeants occidentaux se sont pliés à la volonté de Staline. Et vous avez raison de le souligner, car avec une habileté consommée, c'est Staline qui va s'imposer au cours de la conférence. Alors même qu'il ne peut poursuivre la guerre qu'avec l'aide des livraisons américaines. Enfin, ça, j'y reviendrai. En tout cas, Staline avait de bonnes raisons pour imposer le choix de l'Iran, puisque les trois alliés y avaient déjà des troupes. J'imagine en outre que ce rassemblement des trois grands dirigeants devait être aussi organisé avec la plus grande discrétion. Hein. Dans un secret total, vous voulez dire, car les Allemands étaient à l'affût. Ils savaient que les trois hommes finiraient un jour par se rencontrer et qu'il en résulterait des décisions importantes. Donc, il leur fallait découvrir l'endroit où ils allaient se réunir. Pour espionner éventuellement la conférence? Bien entendu. Mais Hitler poursuivait aussi un autre objectif. Enfin, je veux parler de l'opération qui portait le nom de code Longceau. Longceau. De quoi s'agissait-il? D'une opération de liquidation. Enfin, d'assassinat, vous voulez dire? Oui, Hitler avait chargé ses services secrets, pour une fois associés, de mettre au point l'assassinat des trois dirigeants alliés au moment où ils seraient réunis. Je peux aussi ajouter qu'il avait même été envisagé de commettre quatre assassinats, car les Allemands pensaient d'abord que le général de Gaulle serait invité à participer à cette conférence. Oui, mais il n'en sera rien. Hein, remarquez bien qu'à Yalta non plus, hein, il ne sera pas présent, ce qui le rendra foudrage. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Pardonnez-moi, enfin... Cette histoire me paraît quand même complètement folle. Trois chefs d'État en même temps, et les dirigeants les plus protégés au monde, surtout en période de guerre. Oui, je sais, comme vous l'avez dit, ça semble fou. Mais l'idée a bien germé dans le cerveau malade du Führer. Mais peut-être, mais enfin, est-ce qu'elle a eu un commencement d'application, cette opération? Oui, j'en suis à peu près certain. Dans un premier temps, on a formé des commandos spécialement entraînés pour cette opération. Seulement, il y avait une difficulté. Les Allemands, quand ils ont commencé à mettre au point l'opération, ne savaient pas encore où aurait lieu la conférence. Et c'était une donnée essentielle pour l'entraînement même de ces hommes. Allez, laissez-moi deviner à quoi? À cause de la langue. Vous avez trouvé. Ces tueurs devaient passer inaperçus dans le pays où ils seraient envoyés. Or, la conférence pouvait être organisée n'importe où. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou même en URSS, à moins qu'un pays neutre ne soit choisi. Donc, plusieurs commandos se sont entraînés simultanément, et dans le plus grand secret, bien entendu. Ouais. Et ces hommes, savaient-ils quelle serait leur mission ? Non, il était prévu qu'ils n'en seraient informés qu'au dernier moment. Et toujours pour garder le secret ? Et aussi parce qu'à l'évidence, c'était une mission suicide. Ah oui, une mission dont on ne revient pas. Non, mais quand les services allemands ont-ils appris que c'était Téhéran qui était choisi ? Il semble bien que fin septembre, début octobre, ils ont été informés. Alors que la conférence était prévue pour la fin novembre, c'est ça ? Oui. Et comment ont-ils obtenu l'information alors ? Or, d'une façon classique, en réussissant à décoder des messages entre les alliés. Et pourtant, ces derniers avaient tout fait pour brouiller les pistes et faire croire à Hitler que la conférence aurait lieu au Caire. Avant de voir la suite, là, est-ce que vous savez quels étaient les scénarios qui avaient été envisagés par les Allemands ? Un premier plan confié au trop célèbre Skorzeny. Skorzeny, l'homme qui a libéré Mussolini. Vous savez déjà ce que je pense de cette grande gueule, mais enfin, pardonnez-moi l'expression. Donc Skorzeny devait susciter la rébellion d'une tribu nomade hostile au Shah. Et à cette occasion, les nazis se seraient emparés de Téhéran, auraient liquidé la Troïka alliée. Mais le SS, après s'être informé, a renoncé. Il s'est dégonflé, vous voulez dire ? On peut effectivement dire les choses comme ça. Un deuxième plan prévoyait un bombardement de Téhéran par des avions qui auraient décollé de Crimée. C'était jouable ? Franchement, je n'en sais rien. Les alliés devaient avoir prévu une défense aérienne accrue de Téhéran au moment de la conférence, d'autant que, ça y était, l'Iran était officiellement entré en guerre contre l'Allemagne. Un troisième plan envisageait le débarquement des tueurs par un sous-marin sur la côte du golfe Persique ou des largages par parachute de ces mêmes tueurs. Ouais. C'est tout ? Non. Certains brillants cerveaux avaient préconisé un coup d'État perpétré par des nazis iraniens. Enfin, tout ça était irréaliste. Songez que Staline, avant de quitter l'URSS, a fait venir à Téhéran presque 3000 hommes du NKVD, l'ancêtre du KGB, avec une telle force de sécurité, le maître du Kremlin, mais aussi par conséquent les deux autres, Roosevelt et Churchill, étaient bien protégés. Mais il n'était peut-être pas inutile de faire croire que le danger était réel. Elliot Roosevelt, le fils du président américain, a fait lui aussi le voyage de Téhéran en novembre 1943. Dans un livre de mémoire, il raconte. Le choix de cette ville pour la rencontre des trois grands était un compromis. Et j'imagine qu'aucun des trois principaux participants n'était enchanté de cette solution. Staline, qui commandait effectivement son armée, avait insisté pour que l'endroit choisi ne fût pas éloigné de plus d'une journée de Moscou. C'est ainsi qu'on avait opté pour cette capitale d'un pays neutre faisant partie des Nations Unies, mais en faveur duquel aucune autre circonstance ne peut être invoquée. Les inconvénients, par contre, étaient évidents. Et d'abord, tout récemment encore, Téhéran avait été un nid d'espions des pays de l'Axe dans le Moyen-Orient. Mike Reilly, c'était l'homme chargé de la protection de Roosevelt, partageait avec notre service secret et avec les agents du service secret soviétique la conviction qu'il restait encore, en dépit de toutes les précautions prises, de nombreux espions ou sympathisants nazis parmi les milliers d'étrangers qui, fuyant l'Europe, étaient venus se réfugier dans cette ville. Ensuite, les conditions d'hygiène et de santé... Ils sont déplorables. Votre dernière affirmation est un peu étrange. Vous avez dit, je vous cite, « Il n'était peut-être pas inutile de faire croire que le danger était réel. » Ça signifierait qu'en réalité, Roosevelt, Churchill et Staline n'étaient peut-être pas vraiment menacés. Vous voulez toujours être... Oui, écoutez, c'est vous qui... Un petit peu de patience. Où en étais-je déjà ? Ah oui, donc la protection des trois grands... Elle va être assurée à un niveau jamais vu, et essentiellement par les services américains. Oui, 4000 paquets, si je vous ai bien écouté. Oui. L'Avanti Beria, qui est alors le chef de tous les organismes de sécurité soviétiques, ne néglige rien. Et avant même que les trois grands n'arrivent à Téhéran, il ordonne à ses hommes, qui se trouvent déjà en Iran, de procéder à des mesures préventives. Ça veut dire ça ? Mais il se trouve que des Iraniens suspectés d'opinion germanophile ou des membres importants de la colonie allemande en Iran disparaissent, purement et simplement. Assassinés. À votre avis ? Je n'en ai aucun, mais enfin je crois deviner. Bon, mais ça sous-entend que Moscou était parfaitement au courant des projets de Hitler. Mais de l'opération Long Saut, oui. Je crois vous en avoir parlé plus tôt. Les soviétiques, grâce au célèbre réseau de l'Orchestre Rouge, disposaient de sources d'informations exceptionnelles au cœur même des plus hautes instances du Troisième Reich. Je me souviens même qu'un jour, vous m'avez laissé entendre que le secrétaire et confident de Hitler, hein, Martin Bormann, était peut-être un agent de Moscou. Tout à fait. De lourds soupçons pèsent toujours sur cet homme qui est mort à Berlin en 1945. On le sait maintenant de façon irréfutable. Mais il n'y avait pas que lui. Il existait en Suisse une des branches de l'Orchestre Rouge qui recevait des renseignements directement de personnages très haut placés dans l'administration nazie. Donc, Par conséquent, les services soviétiques savaient. Forcément. Ouais. Et les Anglais aussi, grâce à ce Mercer hein, dont vous m'avez longuement parlé. Oui, c'est ça. Ils ont pu, par exemple, intercepter des parachutages d'armes destinés aux commandos qui devaient agir à Téhéran. Mais les soviétiques, eux, avaient une longueur d'avance, car les renseignements dont ils disposaient étaient recueillis au sommet de la hiérarchie nazie. Donc, si je vous entends bien, là, avec toutes les informations dont disposaient les alliés... Surtout les Russes. Ouais, il était pratiquement impossible aux Allemands de tenter quoi que ce soit en Iran contre Roosevelt, Churchill et Staline. Non, ça j'en suis certain. Et pourtant, dès l'arrivée des dirigeants occidentaux à Téhéran, les soviétiques avertissent les hommes chargés de la sécurité de Roosevelt et Churchill, attention, les nazis vont tenter quelque chose. Mensonge. Ou intoxication. Alors maintenant... Avant de voir plus précisément pourquoi Moscou va se livrer à cette manœuvre, voyons quels étaient les enjeux en cause. Et ils étaient considérables. Une observation d'abord. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, les deux dirigeants occidentaux, Roosevelt et Churchill, n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qui les séparait hein? Bon, disons pour simplifier que leurs objectifs étaient fortement différents. Ah, ils voulaient quand même tous les deux la défaite de l'Allemagne nazie. Naturellement. Alors expliquez. Churchill d'abord. Il était très lucide et il craignait que, malgré la victoire prévisible des alliés sur l'Allemagne hitlérienne, ce succès militaire ne se traduise par un affaiblissement de l'Empire britannique. Au profit des États-Unis et du RSS. Oui, et ce qui lui tenait en particulier à cœur, c'était le Proche et le Moyen-Orient et la Méditerranée orientale. Il réclamait donc l'ouverture d'un front dans cette région, de façon à limiter les ambitions soviétiques dans les Balkans. Conséquence immédiate de cette attitude, Churchill n'était guère pressé de mettre en œuvre le plan Overlord. C'est-à-dire le débarquement sur les côtes allemandes. Hein. Oui, et aussi le plan Anville. Anville, c'était quoi ça? C'était un autre débarquement sur la Riviera pour couper en deux les forces allemandes en Europe de l'Ouest. Au fond, pour dire les choses crûment, ce qui arrangeait Churchill, c'était que les Allemands et les Russes se battent jusqu'à l'épuisement. Or, si on ouvrait ces deux fronts, Hitler serait forcé de dégarnir le front Est et les soviétiques auraient les mains libres pour progresser en Europe de l'Est et dans les Balkans. Du point de vue britannique, c'était assez cynique, mais bien vu. Hein? Oui, certainement, car Churchill n'ignorait pas que l'armée rouge avait déjà perdu des millions d'hommes. Et le premier ministre britannique, qui était farouchement anticommuniste, ne désespérait pas de voir le régime soviétique s'écrouler. Et Roosevelt, lui Le président américain, lui, voulait obtenir une victoire, mais rapide. Pour au moins deux raisons. D'abord... Il devait bientôt affronter de nouvelles élections. Et ensuite, parce qu'il savait que l'écrasement de l'Allemagne assurerait une hégémonie commerciale à l'Amérique dans le monde de l'après-guerre. Donc, Roosevelt, lui, voulait que l'opération Overlord ait lieu au printemps 44, comme cela avait été décidé. Et Churchill, lui, voulait la retarder. Oui. Et d'après ce que vous avez dit, hein, Staline, lui, avait tout intérêt à ce que s'ouvre le front de l'Ouest. Hein. Donc, ses intérêts rejoignaient paradoxalement ceux du président Roosevelt. Tout à fait. Par conséquent, les enjeux de cette conférence de Téhéran étaient considérables. Et il ne faisait nul doute que les décisions qui seraient prises dessineraient les futurs contours du monde de l'après-guerre. Or, Staline, je vous l'ai laissé entendre, avait décidé de mettre tous les atouts dans son jeu. Et quels atouts? Il en avait beaucoup. Et d'abord parce qu'il avait un ami précieux dans l'entourage même du président Roosevelt, un homme qui accompagnait le président à Téhéran. Qui? Son principal conseiller, Harry Hopkins. Un agent soviétique? Non, mais un agent d'influence, certainement. Hopkins avait la totale confiance de Roosevelt. Et il avait déjà persuadé le président que, inévitablement, l'URSS dominerait l'Europe après la guerre et que la paix future de la planète ne serait maintenue que par l'amitié américano-soviétique. Ça voulait dire pour lui que les deux dirigeants devaient nouer au plus vite des relations personnelles et confiantes. C'est un peu naïf, non? Oui, là, je suis d'accord avec vous, mais enfin, sciemment ou pas, Hopkins jouait le jeu de Moscou. Ça signifie que ce Hopkins là avait des liens directs avec Moscou? Je le pense, oui. Et son action a été redoutablement efficace. Songez que Roosevelt, dès son arrivée à Téhéran, a immédiatement une entrevue avec Staline, alors même qu'il a refusé un déjeuner à Churchill. Ça me fait troublant, ça. Je dois ajouter que Roosevelt va éprouver une sorte de fascination pour le dictateur soviétique. Oncle Joe, comme il va l'appeler. Oui, Oncle Joe. Ouais. Bon, revenons à ce que vous disiez là. Les deux dirigeants occidentaux sont à peine arrivés à Téhéran que les soviétiques les préviennent que les Allemands envisagent de les liquider. C'est bien ça? Oui, oui, on leur expose en détail l'opération Longsou. Et c'est Roosevelt qui est la première cible de cette manœuvre d'intoxication. Pourquoi? Churchill, lui, est logé dans l'ambassade britannique, située à proximité de l'ambassade soviétique. Il ne risque donc rien. Par contre, le président américain est logé à plus d'un kilomètre. Et pour rejoindre les deux autres, il doit circuler dans des rues étroites où il peut être victime d'un attentat. En conséquence, ce bon oncle Joe lui propose de venir résider à l'intérieur de l'ambassade soviétique. Et Roosevelt accepte? Dans un premier temps, il refuse. Bah oui. Il veut continuer à être logé dans les locaux de la légation américaine. Et puis sans doute, sur l'insistance de Harry Hopkins, il finit par accepter. Alors, c'est le président américain qui va donc habiter L'ambassade soviétique. C'est assez extraordinaire, non? Ben oui. Et Staline, bon prince, lui offre la grande et luxueuse villa qui lui était réservée. Seulement, ce que Roosevelt ne pouvait pas deviner, c'est que ces locaux que le maître du Kremlin lui abandonnait avec tant de courtoisie étaient truffés de micros. Alors, l'affaire avait été préparée depuis longtemps. Ah ben ça me semble évident. Staline s'était d'abord débrouillé pour obliger Roosevelt et Churchill à venir conférer à Téhéran. Ouais, il a brandi cette menace de l'opération Longceau pour attirer Roosevelt à l'ambassade soviétique. C'est la vérité. J'aime bien vous croire, mais enfin, à ce niveau du récit, ne peut-on se demander si cette tentative de supprimer les trois dirigeants alliés avait vraiment existé ou si ça n'a pas été une pure et simple invention des Russes? Ah, bonne question. Alors, ben, je pense qu'il y avait un fond de vérité là-dessous, mais sciemment, Staline a exagéré le danger. En fait, nous le savons maintenant, tous les agents allemands, tous les nazis susceptibles d'attenter à la vie de la Troïka alliée avaient déjà été éliminés ou neutralisés avant l'ouverture de la conférence de Téhéran. Mais le jeu en valait la chandelle. Staline, au cours des négociations avec ses deux partenaires, savait à l'avance ce qu'ils allaient lui proposer. À cause des micros. Mais est-ce que Staline en a réellement tiré avantage? Et comment? Non seulement Churchill a été obligé de se plier aux injonctions américaines, et donc soviétiques, hein, mais Staline a aussi obtenu des concessions considérables. Roosevelt a accepté qu'au lendemain de la guerre, l'URSS recouvre les territoires annexés à l'occasion du pacte germano-soviétique. Les pays baltes. Et la partie orientale de la Pologne, mais aussi la Moldavie. Et surtout le droit implicite d'installer des gouvernements amis dans les autres pays de l'Europe de l'Est. Bref, c'est à Téhéran que le rideau de fer a vraiment été tiré sur l'Europe. Qu'en pensez? Et Hitler a-t-il vraiment songé à faire assassiner Roosevelt, Churchill et Staline? Ou bien cette opération n'a-t-elle été qu'une invention soviétique? La controverse n'est toujours pas tranchée. Je note en tout cas qu'il ne fait nul doute que logé à l'ambassade soviétique, Roosevelt était espionné en permanence. Christopher Andrew, auteur d'un ouvrage intitulé « Le KGB dans le monde », note ainsi qu'un général, membre de la délégation américaine, s'est posé la question. Je me demande si des micros n'avaient pas déjà été installés en prévision de ce séjour. Et pour Andrew, il n'y a aucun doute qu'il l'était. Hébergé dans une propriété de l'Union soviétique, servie par des employés du NKVD, leur conversation épiés en permanence par leur hôte, les Américains, participant à la première conférence au sommet avec un dirigeant soviétique, furent condamnés à pratiquer une sorte de diplomatie ouverte.